chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu mujina Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya kuomba. Ouvrons nos Bibles en Daniel. Tufungule mabitabu yetu mu Danieli. Daniel au chapitre 2. Danieli sura yake ya pili. Et nous lirons aussi dans Luc 21. Tutasoma tena mu Luka 21. Prions. Tuombe. Merci Père Céleste. Asante Baba wa kumbingu. La séparation et le retrouvail a toujours été quelque chose de difficile. Kuachana na kisha tena kuonana inekalaka kitu cha nguvu. Lorsque nous nous assemblons dans ton temple, wakati tunakusanyika mwekalu yako, nous comprenons que ta grâce est encore sur nous. Tunaelewa ya kwamba neema ingaliki kwetu. C'est pourquoi nous nous approchons de toi comme des hommes. Jo kwambana tunakukaribia sawa watu. Pour te demander pardon. Jo kuomba usamaha. Parce que d'une manière ou d'une autre nous t'avons offensé. Kwani mnamna moja na ingine tuliukosea. Que le sang de Jésus-Christ, damu ya Yesu Kristo, puisse sanctifier chacun de nous. Ipate kutak kasa kila mmoja wetu. Et que le Saint-Esprit descende cet après-midi. Na Roho Mtakatifu ashuke magharibi ya leo. Parce que toi tu as promis. Kwani wewe ulilaka. Que là où s'assemble deux ou trois personnes en ton nom. Ya kwamba pale pakusanyika bawili wala watatu mjina lako. Toi tu seras avec eux. Wewe utakuwa katikati yabo. Ce soir au Père. Magharibi ya leo Baba. Ce n'est pas au nom d'un parti politique. Aina mujina chama cha. Au nom d'une mutualité. Wana mujina ya kikulimba fulani. Mais nous sommes ici au nom de Jésus-Christ. Alakini tuko hapa mujina Yesu Kristo. Maintenant descend Père. Sasa ushuke Baba. Élève-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Utunyanyue pali pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Éclaire notre cœur. Wangazie mioyo yetu. Et nous marcherons dans ta voie. Na tutatembea munjia yako. Toi tu as dit sans toi nous pouvons. Ulisema bila wewe hatutaweza kitu. C'est pourquoi viens nous assister. Kwa maana ukuje kutusaidia. Rien que pour la gloire de ton nom. Dieu a utukufu wa jina lako. Bénis cette congrégation. Ubariki mkusaniko. Chaque frère, chaque sœur en particulier. Kila ndugu na kila dada kwa upeke. Bénis tous les conducteurs. Ubariki biongozi biote. Bénis la parole qui sera lue. Ubariki neno itasomewa. Soit avec ma bouche qui va parler. Uwe na kinywa ile tasema. Que ce ne soit pas l'homme qui parle. Isikuwe mtu mwenye kusema. Mais que le Saint-Esprit puisse parler à travers les œuvres de Dieu. Alakini Roho Mtakatifu apate kusema kupitia midomo ya mtu. Ton peuple sera béni. Na taifa yako itabarikiwa. Guéris les malades au milieu de nous. Uponye wagonjwa katikati yetu. Trouve solution à nos situations humaines. Ulete jibu kwa mambo zetu sawa ya watu. Nous te recommandons toutes choses comme à toi comme un père. Tunakuachia vitu vyote kwako wewe sawa baba. Seigneur merci. Bwana asante. Du début à la fin sois honoré. Mwanzo na mwisho waheshimiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans Daniel au chapitre 2. Danieli sura yake ya pili. Dans son verset 31. Mustari ya makumi tatu na moja. Jusqu'au verset 35. Kufika na makumi tatu na tano. Et nous prendrons aussi Luc au chapitre 21. Tutachugua tena Luka sura makumi mbili na moja. Dans son verset 24. Mustari ya makumi mbili na ine. O roi. O mufalme. Tu regardais. Ulikuwa naangalia. Et tu voyais une grande statue. Na uliona sanamu mkubwa wala munene. Cette statue était immense. Ile sanamu ilikuwa munene kabisa. Et d'une splendeur extraordinaire. Na ilikuwa na kuangala kwa mastajabu. Elle était debout devant toi. Il croyait que c'était ma mère Yako. Et son aspect était terrible. Na konekana kwake kulikuwa kwa hatari kwa ajabu. La tête de cette statue était d'or pur. Na kichwa cha ile sanamu ilikuwa ya dhahabu safi. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Na kilari yake na mikono yake ilikuwa ni ya fedha. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Tumbo yake na miguu yake ilikuwa ni ya shaba. Ses jambes miguu yake de fer, ikuwa ya chuma, ses pieds vikanyangio yake en partie de fer, ikuwa kipande chuma, et en partie d'argile, na kipande ya bulongo. Tu regardais, ulikuwa naangalia, lorsque une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, wakati ile jibo ilitoka bila msaada ya mkono hata moja, frappa les pieds de fer, ilipika ile miguu ya chuma, et d'argile de la statue, na ya bulongo ya ile sanamu, et les mit en pièces, na ikaiponda. Alors le fer, basi chuma, l'argile, budongo, le rein, shaba, l'argent, feza, et l'or, na zahabu, furent brisés ensemble, byote vilifunjika pamoja, et devenirent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Ikaonekana ikakuwa sawa vumbi, akapi, makapi ile na pepuka na mpepo ya kipwa. Le vent les emporta, na mpepo ilichugua, et nulle trace n'en fut retrouvée, na haikuacha hata nyayo hata kidogo. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Lakini jiwe ile lipika sanamu ikakuwa mlima mnene na kujaa dunia mzima. Dans Luc au chapitre 21, Luka makumi mbili na moja, ils tomberont sous les tranchants de l'épée, wataanguka kwa makali ya mpanga. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, watawaleta bafungwa tokea mataifa yote, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, na Yerusalem watamukanyanga kumiguu kwa mataifa, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, kufika na pale wakati ya mataifa itaenea. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Le pasteur Esaïe de Sioni, Pastori Esaïe wa Kuzioni, c'est le pasteur de l'homme de Dieu Jean-Claude qui est décédé. Jo pastori wa mtumishi wa Mungu Jean-Claude huyu alifariki. Dont l'enterrement se fera samedi. Ule maziko yake tafanika msiku ya posho. Vous a tous salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alimsalimia nini wote mjina wa Bwana Yesu Kristo. Et il vous remercie pour votre assistance. Na anamishukuru kwa ajili ya msaada yenu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Depuis dimanche, tangia siku ya juma ya muyenga, nous avons introduit en partie le temps des nations. Turianzisha kwa kipande wakati ya mataifa. Nous avons dit dimanche en introduisant cela, tulisema musiku ya yenga wakati tulianza imahubiri, que dans la Genèse, après la chute de l'homme, ya kwamba mumwanjo kisha kuanguka kwa mtu, Caïn tua son frère Abel. Caïn alimuua ndugu yake Abeli. Et Caïn fut chassé de la présence de Dieu. Na Caïn alifukuzwa toka uwepo wa Mungu. Il était chassé de la présence de Dieu. Alimfukuza kutoka uwepo wa Mungu. Et après que Caïn soit chassé de la présence de Dieu, kisha Kaina kufukuzwa kutoka muwepo wa Mungu, il est allé s'installer dans le pays de Nod. Alienda kukaa mwinchi ya Nod, qui signifie un pays des exilés. Manake ile jina ni inchi ya kukimbilia. Ce pays a été appelé le pays des exilés. Ile inchi bariita ni inchi ya wakimbizi. Parce que c'est l'endroit où Caïn est allé se cacher loin de la face de l'Éternel. Wani ni mufazi ile Kaina alienda kufichama mbali na uwepo wa Mungu. Et après quelques années, kisha miaka fulani, Adam et Ève ont eu des enfants. Adam na Hawa walizala watoto. Et parmi ces enfants, il y avait des filles. Katikati ya wale watoto kuwa na wabinti. Et comme Caïn, qui était à Nod, était un homme errant et vagabond, il est retourné vers ses parents nourriciers, et il a pris l'une de ses demi-sœurs. Na akachukua wako dada yake mmoja mwanamke. Et il est reparti. Akaenda naye dans ce pays de Nod. Mwile inchi ya Nod. Et arrivé de l'autre côté, kisha kufika ile fazi, il a eu une progéniture. Ariza watoto. Il engendra Enoch. Akaza Enoch. Et il bâtit en même temps une ville. Akajenga tena na muji. Qu'il donna le nom de son premier fils Enoch. Il alipatia jina ya mtoto yake wa kwanza Enoch. Et sa descendance est allée jusqu'à Lémec. Na uzao wake kaendelea kufika na kulemek. Nous avons dit dimanche. Tulisema msiku ya yenga. Que Caïn était un méchant. Ya kwamba Kaina alikuwa mtu mbaya mkaidi. Descendant de les descendants de tous les cas de les descendants de Caïn. Manao uzao wa Kaina sont aussi des méchants. Nao ilikuwa ni watu wabaya. Du méchant vient des méchants. Kutokea mtu mbaya kunazalika watu wabaya. Et lorsque cette race est née, wakati ile kizazi ilianza, qui était entièrement inspiré par Satan, ile ilikuwa yenye kuongoziwa kabisa na Shetani, il y apparaît sur la terre maintenant presque deux familles. Sasa kukaonekana pa dunia majamaa mbili. Avec deux objectifs. Na bifukuzio biwili. Avec deux inspirations. Na uongozi ya watu mbili. Entièrement différentes. Yenye kuachana kabisa. Il y avait la race d'Adam. Kulikuwa kizazi ya Adamu. Qui avait l'inspirateur ou le père Dieu lui-même. Ile ilikuwa naongoziwa wala na baba yabo Mungu mwenyewe. Et Adam en tant que fils de Dieu. Adamu sawa mtoto wa Mungu. Il était un homme respectueux. Alikuwa mtu mwenye kuwa na heshima. Il marchait dans la voie de Dieu. Alikuwa anatembea njia ya Mungu. Et il faisait la volonté du Seigneur. Na alikuwa anafanya mapenzi ya Bwana Mungu. Mais Caïn lui est de la semence du serpent. Lakini Caïn yeye alikuwa ni wa kutokea kwa mbegu ya Lucifer Shetani. En se révoltant du ciel. Wani Lucifer kisha kutomboka kumbingu. Il est passé par le serpent. Alipitia mwanyoka. Et c'est par le serpent. Ni kupitia mwanyoka. Que Satan a eu une progéniture à travers Caïn qui est né. Ndio pale Shetani alikuwa na uzao kupitia Kaina kwa wale watoto alizaa. Et maintenant Caïn qui représentait les fils du serpent. Sasa Kaina mwenye kusimamisha watoto wa Shetani ya nyoka. Mais l'inspiration venait tout droit de Lucifer, de Satan. Bale uongozi yao ilikuwa natokea kwa Shetani. Lui aussi naye avait une conduite entièrement différente de celle d'Adam. Naye alikuwa anakujongoza kwenye kwa chana na kwa Adamu. Il avait d'autres visées. Yeye alikuwa na vifukuzio vingine. Et il était inspiré d'une manière mauvaise. Naye aliongoziwa namna ya mbaya. Une manière contraire à la volonté de Dieu. Namna ya kinyume na mapenzi ya Mungu. Et cet homme. Lakini huyu mtu après qu'il soit né, kisha yeye kuzalika, il avait en lui toutes les caractéristiques de l'ennemi de Dieu. Dania qui a reconnu ma tabia yote ya adui wa Mungu. Et c'est de Caïn qu'est venue une race méchante. Ni kutokea Kaina ndio kulitokea kizazi kibaya. Dont ces gens n'avaient aucun respect à l'égard du véritable Dieu. Et cet homme étant éloigné du Dieu Tout-Puissant, comme il était entièrement sous l'inspiration satanique, alors que dans le plan de Satan, il voulait avoir son propre peuple avec qui il dominera toute la terre. Japo mumapu ya Shetani alitafuta kuwa na taifa yake ile atatawala na dunia. Cet homme méchant. Ni moyo namna huyu mtu mbaya. Que sa descendance. Mukaidi pamoja na uzao yake. Se sont lancés à la recherche des richesses mondaines. Bali jitumbukiza sasa mukutafuta mali ya dunia. Il recherchait l'argent, feza, la civilisation, kizungu, ils étaient dans la promotion de l'industrie. Machapu, nous avons montré en disant que c'était des grands inventeurs. Kwamba, batu, bafundi, banene, ils ne pouvaient pas s'appuyer sur Dieu Mungu, parce que tout véritable fils reçoit tout de Dieu. Mtoto ote wa Mungu, ils devaient maintenant se débrouiller pour inventer ces choses. vitu, loin de la présence du Seigneur, pour bien accomplir ses objectifs. C'est ainsi, en étant ingénieur dans le mal, des gens ayant un esprit orgueilleux et hautain, recherchant la grandeur et la puissance pour dominer la terre, des hommes entièrement attachés au terrestre, plein de la convoitise de la chair, des hommes qui aimaient les femmes et qui aimait les plaisirs du monde, mais qui n'avait dans leur cœur aucun souci de Dieu. C'est vrai, c'est ce qu'ils étaient. C'est là où nous sommes arrêtés dimanche, des hommes attaché à la terre avec un cœur plein de la convoitise de la chair, il aima plus les femmes que n'importe quoi. Ils aiment beaucoup les plaisirs du monde et dans leur cœur aucun souci de Dieu. Et ce sont des hommes de sang. Ce sont des meurtriers. Des hommes de sang. Des méchants. Voulant toujours verser le sang. Et n'ayant aucun pardon en eux. C'est vrai. Les fils de Caïn, batoto ya Kaina, les enfants, les fils de la semence du serpent, batoto ya mbego ya nyoka, ce sont les gens qui aiment verser le sang. Ni batu bale banapenda kumwanga damu. Leur père, baba yabo, a tué Abel depuis le jardin d'Eden, alimuaka Abeli tangia mubustani ya Edeni, depuis le commencement, tangia mwanjo. Mais ses enfants ont continué dans le même comportement. Même les enfants de Caïn aujourd'hui sont toujours des hommes de sang. Si aujourd'hui ne peut pas tuer avec l'arme, avec la lance, avec un fusil, ou avec un couteau, aujourd'hui d'autres ne tue pas la langue, mais ils ont le même caractéristique, des gens qui n'ont pas de paix dans leur cœur aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore fait du mal à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas de joie dans leur cœur si ils n'ont pas encore exercé leur méchanceté. Ils ont l'esprit de vengeance en eux. Ils aiment se venger eux-mêmes. Voilà les caractéristiques des enfants de Caïn. Les enfants du serpent. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dans Genèse, au chapitre 4, Mwanjo sura yake ya ine, dans son verset 23. Mustari ya makumi mbili na tatu. Le mec dit à ses femmes. Le mec akambia wabibi yake. Ada et Tila. Tila. Ada na Tila. Écoutez ma voix. Musikie sauti yangu. Femme de le mec. Nini wabibi wa Lemek. Écoutez ma parole. Musikie neno langu. J'ai tué un homme pour ma blessure. Naliua mutu mmoja kwa ajili ya kidonda kyangu. Et un jeune homme pour ma meurtre, ma maîtrise. Na kiana mwingine kwa ajili ya maumivu yangu, bidonda vyangu. Caïn sera vengé cette fois. Caïn a talipisha kisasi mara saba. Et le mec 77 fois. Na le mec makumi saba na kumi na saba. Mais comment un homme peut-il parler de cette manière avec beaucoup d'arrogance et de méchanceté? Namna kani mtu anaweza kusema muina muna na kiburi na ukaidi kabisa. C'est parce qu'il vient du méchant. Kwani yeye anatokea kwa mtu mbaya. Il est plein de la vengeance. Anajaziwa na kulipisa kisasi. Il est un homme de sang. Eko mtu wa kupenda kumwanga damu. Et vous remarquez, na mutaona, que le même la polygamie, hata kuoa babibi mingi, est venue du côté de la race des méchants. Ilitokea kukizazi ya watu wabaya. C'est la race du méchant qui a contaminé la race pure. Ni kizazi ya watu wabaya ndio iliambukiza kizazi ya watu safi. La pensée originale de Dieu. Wazo ya kumwanjo ya Mungu. C'est un homme. Ni mwanaume moja. Avec une seule femme. Na bibi moja. Un point très. Unamalizika. Ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Ile ndio mapenzi kamilifu ya Mungu. Mais lakini Dieu, Mungu, en voyant que la race du méchant avait kisazi, contaminé la race des justes, il a donné sa volonté permissive. Alileta sasa mapenzi yake ya kuruhusiwa. Mais cela n'est pas venu de la race pure. Alakini ila ikutokeo kisazi safi. Oui, bien-aimé frère. Dio nduku mpendwa. Qui ont amené la polygamie après la chute. Ni wao ndio walileta kuoa wabibi mingi kisha kuanguka. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Et il parle de la vengeance. Anasemea kwa ajili ya kulipisa kisasi. Pourquoi? Jia nini? Parce que ce sont des méchants. Kwani ni watu wabaya. Et ce sont des hommes de sang. Na ni watu wenye kupenda kumwanga damu. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est pourquoi nous aussi, sisi, nous devons beaucoup veiller sur notre comportement. Sana, si dans yetu, notre vie, kama yetu, nous aimons la vengeance, kama tunapenda kulipisa kisasi, nous aimons verser le sang, kama tunapenda kumwanga damu, peut-être pas avec le couteau, na kisu, pas avec une lance, na pas mshale, avec une arme, mais avec ta lance. La, tu aimes beaucoup mépriser les gens, unapenda sana kubeula, tu aimes beaucoup watu, critiquer les gens, unapenda kubeula watu, tu peux comprendre prendre par là que tu es aussi un grand tueur, un homme de sang, et tu peux comprendre que tu viens de la race du serpent, et tu viens de la race du méchant, du Caïn. Oui bien aimé frère. Oui bien aimé sœur. Dans Genèse au chapitre 6. Mwanjo sura yake ya sita. À partir du verset 5. Kwanzia mstari ya tano. Et ce sont ces gens qui ont rempli la terre. Ni hawa watu njo warijala pa dunia. Des méchants. Batu babaya bakaidi. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Wa milele aliona ya kwamba bubaya burizidi sana pa dunia. On a ça vivo barikuwa ni ba polygame. Comme te bakuwa ba bibi mingi. Beko nazala ba bibi ba mingi. Ils ont eu beaucoup de femmes. Parce que Satan alikuwa na kifukuzio ya ye akuye na bantu ba mingi mudunia ya kutimiza mapo yake. Satan avait l'objectif d'avoir beaucoup de gens pour accomplir sa volonté. L'église est avec moi. Kanisa na nifuata. Alors comme ils avaient beaucoup de femmes. Sawa vile barikuwa na ba bibi mingi. Ils se sont multipliés rapidement waraka, et ils ont rempli la terre. Navaliyala padunia. Et quand ils remplirent la terre, wakati baliyala padunia, le monde était devenu maintenant corrompu. Dunia yaribika sasa. Le monde était rempli de méchants. Dunia riyala na batu babaya. Dieu vit. Mungu aliona que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Na mawazo ya moyo yabo ilikuwa naelekea kila mara paka kububaya. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Wa milena akahuzunika akajuta vile aliumba mtu pale. Et il fut affligé en son cœur. Alihuzunika kabisa moyo wake. L'Éternel dit, wa milena akasema, j'exterminerai tamaliza de la face de la terre pa dunia pa zina l'homme que j'ai créé mtu ule na nyumba depuis l'homme jusqu'au bétail. Tangia ku mtu kufika na banyama. Banyama kutambala. Aux oiseaux du ciel. Bandeke baanga. Car je me repens de les avoir faits. Wani mina uzunika na juta juu ya nini alibaumba. Oui bien aimé frère et sœur. Dio nduku na dada mpendwa. Car la race des méchants. Wakati kizazi ya watu babaya. A rempli la terre. Riala pa dunia. La Bible est très claire. Biblia iko wazi. La Bible dit. Bien nasema. Toutes les pensées de leur cœur sont portées chaque jour uniquement vers le mal. Quelle condition horrible! Quelle espèce de gens qui remplissaient la terre. Dieu n'avait pas créé la terre pour qu'elle soit remplie de méchants, de meurtriers. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. Dieu avait créé liumba, la terre dunia, pour qu'il y ait la paix et la joie. Furana, salama. Mais regardez maintenant que la terre remplie tazama dunia de nayala, tout ce qui est faux, na bitu biote, batu de mabongo, toute la méchanceté. Yote. Quelqu'un se lève, lamuka, même avant de quitter son lit, il commence déjà ananzia à méditer le mal sous sa couche. Il faut à tout prix, avant que le soleil se couche, qu'il le fait quelque chose de mal. Qu'il ait offensé quelqu'un. Voyez bien le même frère. Voyez bien le même soeur. C'est une race terrible. Horrible, qui fait peur. Voyez bien le même frère. Si vous êtes habité par un tel esprit, ou vous avez de telles pensées dans votre cœur, alors vous devez comprendre que vous n'êtes pas de la race de Dieu. Parce que ceux qui viennent de la race divine, ils ont des pensées pures, ils ont les pensées saintes, ils sont attachés à la paix, ils sont attachés à la joie, ils sont attachés au bonheur. Ils ne veulent pas faire du mal aux autres. C'est vrai. Vous voyez. Mais comme il venait du méchant, c'était des gens pleins de la convoitise, de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Ils étaient pleins de meurtres. Vous voyez, ils pouvaient faire n'importe quoi dans leur méchanceté pour se venger. Pourquoi ils parlaient de la vengeance? C'est parce que pour eux, ils pensaient que waliwazia et la race d'Adam ya kwamba mkizazi Adam les renvoulait ilikuwa na batakia vibaya et il les avait ravi quelque chose de la terre na ilibanyanganya kitu pa dunia. Non bien mes frères, hapana ndugu mpendwa, la terre elle-même était pour les enfants d'Adam. Dunia yenye baliumba juu ya watoto wa Adam, c'était dans leur méchanceté. Bonjour balinyanganya mubukaidi bwapo. Oui bien mes frères, ya kweli ndugu na dada mpendwa, ce sont des gens qui font peur. Ni batu wenye kutetemesha kuleta boka des gens comme ça, même parmi nous ici. Attendez, wata katikati yetu hii. Kuko bantu bengine. Ya certaines personnes. Kama ye ayatendea mtu mwingine bubaya, ayakuya na salama. Sina panko kose ditora quelqu'un ina palape. Kama ayashimanga mtu, muro yake amuna salama. Quelqu'un ina palape dans son cœur. Kama ayachambula mtu, muro yake amuna salama. Utraje quelqu'un ina palape. Kama ayashirikia mtu, muro yake amuna salama. Sina panko fashe contre quelqu'un ina palape. Kama ayashirikiane na mtu, muro yake amuna salama. Il n'a pas de rancune contre quelqu'un, il n'a pas la paix. Vous voyez bien le frère. Là, on a tout compris. C'est une race étrangère. Ni kizazi kigeni. À la race divine. Ni kizazi ya kimungu. Et Dieu. Na mungu. Avait raison. Alikuwa na sheria. De se repentir. Yeye kujuta. Dans la Bible, mu Biblia, la traduction kugeuza parole de vie, wa parole de vie, là la Bible traduit et dit, mule Biblia na geuza na kusema, la terre était pourrie, dunia ilioza. Quand les gens sont pourris, wakati batu banaoza, leur pensée mawazo yabo est aussi pourri. Nayo iko paka ya kuoza. Pourquoi? Dieu a nini? Ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Dieu a banan na Mungu moyo. Oui, bien, mes frères. Mnaona mtu kumpinga. Quelqu'un se détache de la vie. Wakati mtu anajitukuna kubuzima. Il commence à pourrir. Anaanza kuoza. Voyez bien, mes frères. Mnaona mtu kumpendwa. C'est la vie. Ni baishi mudibushima. Qui nous garde en bonne santé. Ni bushima njobu na tuchunga mwa afya njema. Ce qui a la vie ne peut pas pourrir. Chenye kwa na bushima kiyesi kuoza. Quand quelqu'un meurt. Wakati mtu akikufa. Il y a maintenant absence de la vie. Manake hakuna tena bushima. Et quand il y a absence de la vie. Wakati hakuna bushima. Alors la chose commence à pourrir. Bale njo kitu kitaanza kuoza. Dieu est notre vie. Mungu yeye njo bushima bwetu. Aussi longtemps que vous avez Dieu dans votre cœur. Vous allez croître. Vous allez prospérer. En toutes choses avec le Seigneur. Vous garderez la vie. Parce que la vie croit. C'est vrai. Mais la mort amène la corruption. C'est vrai, frère. Et c'est la vérité. La Bible continue. Biblia inaendelea. Dans son verset 11. Mstari ya 11. La terre. Dunia. Était corrompue. Ilikuwa ya kuharibika. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. La terre était pleine de violence. Dunia iliyala sana na ukaidi. Dieu regarda la terre et voici. Mungu akaangalia dunia tazama. Elle était corrompue. Ilikuwa imeharibika. Car tout homme avait corrompu sa voie sur la terre. Kwani mtu wote aliharibisha njia yake pa dunia. Alors Dieu dit à Noé. Na kisha Mungu akamwambia Noa. La fin de toute chair est arrêtée devant moi. Mwisho ya mwili yote ina ya mtu wote inachukuliwa mbele. Car ils ont rempli la terre de la violence. De violence. Kwani manayaja pa dunia na ukaidi. Je vais les détruire avec la terre. Tazama tabaribu pamoja na dunia. Oui bien aimé frère. Dio nduko. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. C'est vrai. Ni bia kweli. Quand on dit la terre était corrompue. Wakati wanasema dunia iliharibika. Est-ce que c'est le sol qui était corrompu? Eti ni bulongo ndio iliharibika? Ce sont les arbres qui étaient corrompus. Ni miti ndio iliharibika? Non. Hapana. Ce sont des hommes. Ni bantu. Qui venaient de la race méchante. Wakati wakati kisasi kibaya. Par leur comportement méchant. Kupitia tabia ya mbaya. Toute la terre. Ils ont même corrompu le sol. Ils ont corrompu les arbres. C'est vrai. Mais il y avait des hommes justes. Alakini parkwa batu ba uwaki. Comme la famille de Noé. Sawa jamaa ya Noa. Mais il était minoritaire. Alakini barkwa kidogo. Voyez bien mes frères. Unaona ndoku mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. C'est pourquoi Dieu. Njoko maana Mungu. Quand il a vu cela. Wakati aliona vile. Non, ça ce n'est pas mon plan. Anasema hii haina mapu yangu. Je n'en veux pas. Sipende hii mbitu. Ce n'est pas l'objet pour lequel. Haina kifuguzio kinyewe. J'avais mis l'homme sur la terre. Aliwekea mtu pa dunia. C'est une nature étrangère. Hii ni asili ya kigeni. Que ces hommes ont amené sur la terre. Et je prends la décision alors de tuer tout homme sur la terre. C'est la pensée de Dieu ce soir. Parce que nous sommes dans les mêmes conditions comme ce que nous venons de lire aujourd'hui. Aujourd'hui la terre est corrompue. Elle est pleine de violence. La méchanceté partout. L'augmentation de la population a amené beaucoup d'enfants illégitimes. Et les enfants illégitimes sont en train de polluer, de corrompre la terre tout entière. Wanachafua kuharibisha dunia mzima. mzima. Il y a parmi eux des ingénieurs mal. Des gens qui n'ont aucun souci d'avoir Dieu dans leur cœur. Des gens qui n'aiment pas la paix. Des gens qui versent le sang dans leur pensée de tous les jours, de chaque jour, et tournent toujours vers le mal. C'est vrai. Les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ils aiment le plaisir du monde. Les gens qui sont pleins de la convoitise de la chair. Qui sont pleins de l'orgueil de la vie. Les gens qui recherchent le bien matériel. Et pour avoir ce bien matériel, ils sacrifient les gens. Vous voyez, ils versent les champs, les sangs. Et ils n'ont pas de pardon. Voilà le monde actuel. Ce monde dans lequel nous vivons au temps de l'Odyssée doit aussi disparaître comme le monde du temps de Noé. C'est vrai. Méchanceté. Bukaidi, violence, corruption, waribifu. Les gens sans grâce, batu bila les gens sans pardon, bila buluma. C'est vrai, bia kweri. Ils ne pouvaient pas venir de Dieu. Abakuwezi kutokea kwa Mungu. Dans Psaume Mzaburi 64, makumi sita na ine. Verset 4 à 7. Mustari ya ine na ya saba. Nous pouvons commencer au verset 3. Garantis-moi des complots de méchants. Unihakikishie ma complot ya batu babaya. Munichunge. Ah, munichunge. Des complots de méchants. Munichungie ile complot ya batu babaya. Non, non, garde-moi. Ah, uniepushe. Na ile masikilizano ya batu babaya. De la troupe bruyante des hommes uniques. Ya kundi ya watu wa kwangala batu babaya. Ce sont des gens habiles. Batu benye kujua. Ils sont habiles, ils sont zélés. Beko na bidi. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Beko na chongola ulimi yabo sawa mpanga. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste. Et n'ont aucune crainte. C'est ce que Caïn a fait sur Abel. Qu'est-ce qu'Abel avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait contre Caïn pour qu'il soit tué? Il était innocent. Vous voyez? Il est tombé sur lui à l'improviste parce que dans la pensée d'Abel, il ne pouvait jamais s'imaginer que son frère ici pouvait le tuer. Il te considère comme son bien-aimé pendant que toi tu es fils de Satan. Il se fortifie dans leur méchanceté. Ils se concentrent pour tendre des pièges. Ils disent, qui le verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Moyo ya kila mmoja ni shimo. Ya mulefu. Ya mrefu. Ni kayope. C'est un abîme. Voyez bien mes frères. Nona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Nona dada mpendwa. Voilà la race des méchants. Hii ndio kizazi ya watu wabaya. Voilà leur comportement. Ndio tabia yabo. Ils tirent sur l'innocent à l'improviste. Ils n'ont aucune crainte de Dieu dans leur cœur. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils tendent des pièges. Ils disent, Et qui le verra? Ils méditent des crimes. Wanafikiri yule mauaji. Oui, bien mes frères. Dieu ndoku mpendwa. C'est bon pour l'évangile, mais on n'a pas le temps. Biko bizuri juu ya injili lakini hatuna na wakati. Dans Psaume au chapitre 73. Zaburi 73. Dans le verset 6 à 9. Mustari ya 6 kufika na 9. Psaume 73. Zaburi 73. Verset 6 à 9. Mustari ya 6 kufika na 9. Aussi l'orgueil leur sert de collier. Na kiburi banaitumia sawa vya kuvaa mushingo. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Na ukaidi njo vazi ile wanavaa. L'iniquité sort de leurs entrailles. Na uovu inatokea mutumbo yabo. Les pensées de leur cœur se font jour. Mawazo ya moyo yabo inaonekana. Il raillit. Wanachekelea. Et parle méchamment d'opprimer. Wanasemea na ukaidi mbele ya kuteswa. Il profère des discours hautains. Wanasema mautuba ya kiburi. Il élève leur bouche jusqu'aux cieux. Wanapandisha kinywa yabo kufika na kumbingu. Et leur langue se promène sur la terre. Na ulimi yabo inatembea pa dunia. Quelle méchanceté. Ukaidi kani wala romba ya kani. Quand vous les écoutez, wakati unawasikia, ils disent qu'ils sont fils de Dieu. Wanasema sema ni watoto wa Mungu. Et ils connaissent Dieu. Wao wanamjua Mungu. Ils se disent être chrétiens. Wanajiita kwa Wakristo. Mais alakini, ce sont les enfants de l'enfer. Ni watoto wa Hadesa. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Ils cherchent. Wanatafuta. Et ils luttent pour les choses de la terre. Kumbania vitu ya padunia ndio kama na bush binyo yabo voyez est élevé jusqu'au ciel inapanda kufika na kumbingu memeler langue lakini ulimi yao se promène sur la terre inatembea padunia quand il parle avec les autres wakati wanasema na watu wengine vous allez le confondre avec les véritables fils de Dieu unaweza kuwavuruka na kuwavuruka mais observez les mais dans leurs actions vitendo yabo ils sont plus attachés wanambatana kaisha aux choses terrestres na vitu ya dunia voyez bien mes frères naona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs, ce sont des méchants, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour, se révèlent. Voyez bien mes frères, parce que s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas cacher, c'est votre vie, votre caractère, vous ne pouvez pas le cacher tous les jours. Muda kiloko cachez ton caractère mwisho ya yote paka tabia yako itajulikana en tant que compte ton caractère sera connu utaweza mwisho kiloko useme kwa mtu wa bien tu peux paraître pour un temps wa bien comme quelqu'un de bien mais bila kuyala muro yako mais ceux qui sont pleins dans ton cœur moyo paka vitatoka nje un jour ça finira par sortir na rangi yako itajulikana na mtu wote et ta couleur sera connue de tous utaweza kujitapa tu peux te vanter comme tu oule je suis un élu je suis un enfant de Dieu je me connais Mungu anajua na shetani. Je connais aussi Satan. Mungu anajua na Lucifer. Connais aussi Lucifer. Mais Mungu anakujua mfacette kani. Il te connaît sous quel angle. Anakujua kama uko mtoto wa Adam. Il te connaît comme enfant d'Adam. Uko mtoto wa nyoka. Oui, il te connaît comme un enfant de Satan. Mais mes frères, parce que Dieu connaît même les enfants du serpent. Mungu anajua hata watoto ya shetani. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Hakuna kile kinaweza kumuepuka Mungu. Mais quand Dieu te regarde. Sasa kwa wakati Mungu anakuangalia, anakuona namna gani? Anakujua je? Mais bien mes frères. Unaona ndoku mpendo. Même dans cette église ici, les gens te connaissent comment? Watu wanakujua namna gani? Une sœur édifiante, dada wa kujenga, un frère édifiant, wala ni ndugu wa kujengana. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Voyez bien mes sœurs. Wala dada mpendo. Les méchants. Batu babaya baovu. Qui vient du méchant. Bakutokea kwa ule muovu. Inspiré par Lucifer. Benye kongoziwa na Lucifer. L'adversaire de Dieu. Muadui wa Mungu. Dans Proverbes au chapitre 4. Mezali sura Ine. Proverbe chapitre 4. Mezali sura ine. Dans son verset. Mustari. Proverbe chapitre chapitre 3. Mezali sura. Attendez. Proverbe chapitre disons 5. Ok. Proverbe chapitre 4, oui. Mezali sura yake ya ine. Ah. Proverbe chapitre. Mezali 4. Sura ya ine ya mezali. Ah, commençons au verset 13. Mais j'ai besoin du verset 15 et 16. Retiens l'instruction. Ushika agizo. Et ne t'en dessaisis pas. Apana kutokako. Ça c'est Dieu qui parle. Uyu ni Mungu anasema. Aux enfants d'Adam. Na batoto ya Adam. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Na ushitembe munjia ya batu babaya. Evite la. Uyepuke. Ni passe point. Ushipitie mo kamwe. Detournez-en. Utoke mo. Et passe outre. Pita njia ingine. Car. Wani. Il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait le mal. Awawezi kama kulala kama abaya fanya kibaya. Wani. Il ne dormirait pas. Awawezi kama kulala. S'il n'avait pas fait de le mal. Kama abaya fanya kibaya. Le sommeil leur sera ravi. Abata kwa na busingizi. Le sommeil leur sera ravi. Abata kwa na busingizi. S'il n'avait pas fait tomber personne. Kama abaya uwa mutu. Ah. Il y a des gens terribles. Kuba tu baajabu. Comme nous on a vu Mandjiko tout qu'on a soma. Vous voyez tel que nous lisons les écritures. Vous croirez que c'est du mensonge. Ce ne sont pas des mensonges. Oui, même dans cette église. Il y a des femmes et des hommes. Il n'a pas encore causé du tort à quelqu'un. Il n'aura pas de sommeil. Pourquoi je ne l'ai pas causé du tort? Qu'est-ce qui va empêcher? Si vous tendez vous vaille. De lui causer du tort. Frère. Doko. Il y a certaines personnes qui ont des démons. Leur travail c'est seulement de faire tomber les gens. Il peut quitter sa maison juste pour aller faire tomber quelqu'un dans les péchés. C'est des gens terribles, frère. C'est vrai. Il est sur son lit. Comment la journée d'aujourd'hui m'est passée? Je n'ai même pas fait énerver quelqu'un. Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Son Dieu là qu'il est en train d'évoquer, ce n'est pas le véritable Dieu. C'est Lucifer qui est son Dieu. Voyez bien mes frères. On a un endroit compagnon. Voyez bien mes frères. On a date d'empeine. Donc je mets ta voix là vraiment baya. Je vais m'habiller d'une manière scandaliser. Vraiment indécente pour scandaliser les gens. C'est comme ça que lui il voit des choses. Le moulin n'a pas eu qu'on a un habit ou un homme qui a la voilà. S'habille en désordre. C'est pour que les gens soient séduits. Voyez bien mes frères. On a un endroit compagnon. Et qu'on attend d'habitude. Agit des choses. On a un endroit compagnon. De manière à faire pécher les autres. Les gens de cette race, ce sont les enfants des serpents. Leur place n'est pas au ciel. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Il faut à tout prix qu'ils font tomber les gens. Alors à ce moment-là, il aura sommeil, il va. S'il ne vole pas, son cœur n'est pas en paix. S'il n'insulte personne, il n'aura pas de paix. S'il n'est pas encore bagarré avec quelqu'un, il n'aura pas de paix. Il n'a pas encore critiqué quelqu'un, il n'aura pas de paix. C'est une race terrible. Kama ya sharatika, il n'a pas encore commis un péché. Dans son cœur, il n'aura jamais de paix. Il faut qu'à un certain moment, qu'il a découvert son ventre pour que les gens soient chopés, qu'ils se sentent un peu. Des choses qui amènent le propre, pour eux, ça leur donne des joies. C'est grave avec cette race. Yatari naikizazi. C'est une race qui fait peur. C'est vrai. C'est pourquoi je vous ai toujours lu cette écriture de Proverbes chapitre 3 et dans le verset 29 jusqu'au verset 31. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsqu'il te met tranquillement près de toi. Ne procède pas par motif avec quelqu'un. L'autre qui ne t'a point fait de mal. Rien ni mauvais qu'on est toi indiquée. Ce ne sont pas des chansons qu'on nous lit. C'est la parole de Dieu qui te connaît mieux et qui me connaît mieux. Na mimi mzuri. Et qui connaît tout homme. Na inajua kila mtu wote mwenye kuishi pa dunia. Oui, bien aimé frère et sœur. Ya kweli ndugu na dada. C'est vrai. Ni bien kweli. C'était comme ça. Balikuwa hivi. C'est comme ça qu'ils ont corrompu la terre. Ni muina muna bariharibu dunia. Avec la haine, na la chuki, méchanceté, ukaili, les calomnies, le meurtre, uwaji, la médisance, machimango, voyez, la prostitution, ukaba, les plaisirs du monde. Anasa dunia. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpeni. Toi, Bana m'explique, même la beauté des femmes au temps de Noé, ata urembo, cette beauté-là venait de maquillage, comme vous le voyez aujourd'hui. Leo. C'est pourquoi aujourd'hui, on leo. A inventé toutes sortes de maquillages. Wanatunga ma aina yote, yama mai, ya kujipenta, tout ça, c'est Satan, ni Shetani, pour amener le péché, et gambi, la corruption, na et la méchanceté, na dans le monde, Dieu en franc, à cause de l'argent, Dieu en banamouk, à cause des femmes, Dieu en ma chambre, à cause des champs. Elle a vu ce temps de la colère, na aliona le wakati ya sira, elle a vu le millénium, na aliona utaona miaka elfu. Un esprit, katika roho, il a été enlevé, alinyakuliwa katika roho. Il a vu tout ce temps. Na aliona ile wakati yote. Le temps de la colère de Dieu. Wakati ya sira ya Mungu. Le temps du millénium. Wakati ya utawala wa miaka elfu. Il a vu le jugement dernier. Aliona ile kisambo ya mwisho. Il a vu à la fin. Na aliona kumwisho. Le temps qui débouche dans l'éternité. Wakati ile konenda kuingia mu milele. Il a vu ça. Aribiona. Et maintenant, na sasa, nous sommes avant ce jour-là. Tuko mbele ya kufika kwa ile siku. Nous sommes avant ce jour-là, avant le jour de la colère. Tuko mbele ya kufika ile siku ya asira ya kasirani. Et qu'est-ce que Dieu a promis? Sasa, Mungu alilaka nini? Qu'est-ce qu'il a promis? Mungu alilaka nini? Malaki. Malachi. Malachi 4. Malachi sura yake ya 4. Malachi. Malachi. Malachi 4. Malachi sura yake ya 4. Voici. Tazameni. Le jour vient. Siku inakuja. Il n'est pas encore là. Ayafika. Ta vient. Iku nakuja. Car voici. Mana tazameni. Le jour vient. Siku inakuja. Malachi 4. Malachi sura 4. Parce que verset 1. Tuanze pa mstari wa kwanza. Car voici. Kwa maana angalieni. Le jour vient. Siku ile inakuja. Ardent comme une fournaise. Inawaka kama tanuru. Tous les hautains. Na watu wote wenye kiburi. Et tous les méchants. Nao wenye matendo waovu. Seront comme du chaume. Watakuwa makapi kama makapi. Seront comme du chaume. Watakuwa kama makapi. Sa majani ya ukauka. Majani ya ukauka. Tous les hautains. Wenye kiburi wote. Et tous les méchants. Na waovu wote. Seront comme du chaume. Watakuwa vile kama jani ukauka nyashi. Le jour qui vient. Katika siku ile inayokuja. Les embrasera. Itawateketeza. Il est des armées. Anasema Bwana wa majeshi. Ne leur sera ni racine ni rameau. Atawachia wala shina wala tawi. Mais pour vous, lakini kwenu ninyi, qui craignez son nom, munaogopa jina lake, se levera, itasimama, le sceau de la justice, jua la haki, et la guérison. C'est à elle. Vous sortirez. Mutatoka. Et vous sauterez. Na mutaruga. Comme les veaux d'une étable. Kama vile mwanangombe. Et vous flairez les méchants. Na mutaka nyanga wabo waovu. Quand ils seront comme vous dites de la cendre. Basaba watoka kama vile maivu. Sur le poids de vos pieds. Chini ya miguu yenu. Au jour que je prépare. Katika siku ile nayotarisha. Et tes armées. Anasema Jehova majeshi. Vous criez l'Éternel. Vous allez échapper. Muta epuka. Au millénium. Katika utawala miaka elfu. Après, quand Dieu va juger ces gens-là. Wakati Mungu atahukumu. Ils seront comme de la cendre. Batakuwa au millénium, nous allons marcher sur ces gens-là. Katika utawala miaka elfu, tutatembea juu ya wale bantu. Verset 5. Mstari wa 5. Voici. Angalieni. Voici. Angalieni. Je vous enverrai Élie le prophète. Nitawatumiaka Elia nabi. Avant que kabla ija le jour de l'Éternel arrive. Siku ile ya Bwana. Ce jour grand et redoutable. Iliokuna ya kogopesha. Avant le jour de l'Éternel. Mbele ya siku kuu ya Bwana. Ce jour grand et redoutable. Ile siku kuu ya kogopesha. Avant le jour de sa colère. Tu es promis. Mungu analaka. Voici. Angalieni. Je vous enverrai. Nita watumiaka. Élie le prophète. Élie nabi. Il ramènera. Naye atarudisha. Le cœur des pères. Atageuza mioyo.